Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier podcast de la cellule, le podcast consacré aux jeux de rôle sans sexalogie bien sûr, mais également aux jeux de rôle tout court, puisque les émissions sur Sens seront ponctuées par quelques hors-série si l'on veut, j'ai envie de dire 75% de Sens, 25% de JDR en général. On a déjà prévu quelques émissions spéciales avec les auteurs indépendants de Silent Drift, des gens comme Christophe Buckley dont vous avez peut-être entendu parler, ou Frédéric Sainte, Lionel Jeanneret notamment, mais aussi avec Olivier Caïra, que j'ai eu la chance de rencontrer au Joute, enfin que j'ai eu la chance de rencontrer à Rennes bien avant, mais avec qui j'ai eu la chance de discuter de ses podcasts au Joute, et qui était motivé pour nous présenter un petit peu Pinkerton Press, ses projets. Donc, même si vous n'êtes pas fan de Sens, n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur ce podcast, sur ce blog, parce qu'il y aura du beau monde, assurément. Un podcast dont les émissions seront mensuelles ou bimensuelles, selon nos disponibilités toujours. On ne vous promet pas de pouvoir vous offrir un podcast par mois, mais bon, dans l'idée, nous voudrions pouvoir vous diffuser des émissions régulières. Il y aura peut-être quelques faux pas, quelques erreurs, quelques hésitations. N'hésitez pas vous-même à vous laisser nos commentaires sur le blog de la cellule, http://cellulis.blogspot.com. Nous lirons tout ça et nous corrigerons le cas échéant. Ce podcast est massivement consacré à Sens. Je vous rappelle qu'il s'agit du jeu de rôle papier Sens Sexalogie, dont la première chronique ou première saison s'intitule « Sens Renaissance ». Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et aujourd'hui, pour vous introduire à cette bizarrerie, à ce jeu de rôle considéré comme inclassable par le GROG et bien d'autres annuaires de jeux de rôle amateurs ou indépendants, un podcast assez général, assez transversal, consacré à l'univers de Sens, son background, les forces politiques, ce qui fait de Sens son univers de philo-fiction original. Et pour parler de ce thème, autour de moi aujourd'hui, les testeurs, les joueurs, les co-créateurs de Sens Hexalogie, les membres de la cellule, dont Thomas Poussou. Thomas Poussou, bonjour. Bonjour. Donc voilà, aussi appelé T-Pouce sur les forums, donc je l'appellerai peut-être Tom Pouce au cours de ce podcast, donc ne soyez pas surpris, voilà, je l'appellerai peut-être ainsi. Benjamin Béliez, bonjour. Aussi appelé Nathaniel sur le forum Silent Drift, et que moi personnellement j'appelle Bobo, alors si vous entendez parler de Bobo, c'est Benjamin Béliez dont je parle. Et enfin, Flavie Garnier, c'est vrai qu'on aurait pu faire de la galanterie, commencer par les filles. On en a absolument rien à faire. Voilà, j'ai envie de dire qu'on en a rien à branler, nous on n'est pas galants, nous on est comme ça. Alors, aussi appelé Chimère sur des forums, Flavie Garnier. Donc voilà, une bonne panel de co-créateurs pour parler de cet univers aujourd'hui. Alors, l'univers de Sens, ça commence comment? Ça commence par un empire galactique qui va se fonder après une victoire sur un groupuscule assez obscur qui s'appelle justement la Cellule. Et c'est pour ça que ce blog s'appelle ainsi. Pour nous en parler, j'ai envie de poser la question à Thomas. Qu'est-ce que tu as retenu de la cellule? Qu'est-ce que c'est que la cellule? C'est Ignios première, c'est la première impératrice. On sait qu'elle a vaincu la cellule à un moment donné, mais dans le jeu finalement, qu'est-ce qu'on sait de la cellule à peu près? Alors, qu'est-ce qu'on sait de la cellule? Donc la première chose, comme tu nous l'as rappelé, elle fut vaincue donc par Ignios premier, première dirigeante du groupuscule actuel. L'Omicron. L'Omicron. L'unité impériale. Enfin, l'unité armées impériale du FDSS. Fédération du système solaire. Voilà. Mais on sait peu de choses. Malheureusement, suite à la prise du pouvoir d'Ignios Ier, beaucoup d'informations ont été perdues sur la cellule. Et c'est un peu un brouillard du monde. Une chose qui est d'ailleurs beaucoup développée au sein de l'univers. Ouais, c'est en fait une quête un peu centrale, quoi. Autant on va découvrir l'Empire vraiment de fond en comble dans l'univers, et puis... la cellule, ça va rester le truc en trame de fond. On va tantôt, on apprendra quelques petites choses, mais on saura jamais vraiment ce que c'est. En tout cas, au début. Voilà. En tout cas, effectivement, dans Sens Rebirth, c'est pas le point le plus axial. Non. Ce qui peut se comprendre. Les joueurs ont surtout tendance à essayer de sauver la Terre. Alors, pour Sens Renaissance, c'est clairement le but. C'est quand même une sorte de fil rouge hein, dans le jeu même, dans Sens Renaissance. À chaque fois qu'on a des petites informations sur ce passé, on est très content quand même. Oui, c'est vrai que j'ai eu de nombreux retours là-dessus. On attend beaucoup de réponses sur ce groupe. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce groupe, en fait, des Sens Renaissance, Thomas? Des Sens Renaissance sur la cellule. Ouais. Donc tout dépend des joueurs s'ils ont connu Sens via les conventions. Ils ont connu le fameux scénar de Blue Sky. Ouais, Blue Sky. Voilà. Et ce qu'on sait sur la cellule, c'est que c'est un groupe d'hommes et de femmes qui ont l'air d'avoir des tendances scientifiques. Ouais, c'est des scientistes. Voilà. Scientistes, ouais. Voilà. On ne sait pas trop leur but. recherche, peut-être sauver l'humanité, d'évolution. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que l'Omicron semble les... Parce que tous les livres qu'on a sur eux, ce sont des livres qui ont été écrits par l'Omicron, donc l'Empire d'Ignos Première. Et ce qu'on sait, c'est que l'Omicron en fait des descriptions plutôt négatives, quoi. Ils sont vus comme des espèces de nazis qui font des expériences... Tout à fait. Mais le souci, c'est que la base de données de la résistance a beaucoup de trous sur la cellule. Ouais. Et puis surtout, je pense qu'il y a un petit manque d'objectivité vis-à-vis de ce groupe. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, ce groupe a été vaincu par Ignos Première, et là va commencer l'Empire Galactique d'Ignos Première. Durant 500 ans, tout va bien se passer, et puis là, ils vont faire une découverte sur Mars. Il y a un archéologue qui s'appelle Hoffman, qui va faire la découverte d'étranges artefacts qui ont appartenu à la civilisation Setantra. Et là, je me tourne naturellement vers le créateur de la civilisation Setantra, parce que c'est lui qui, en grande partie, a inventé ce concept, Benjamin. Oui. Bah oui, je te rappelle quand même que c'est avec toi qu'on en a discuté la première fois, souviens-toi, et qu'on s'est dit « Oh, ça pourrait être cool de faire une espèce de planète avec des créatures assez étranges. » Et puis toi, tu as appelé ça Cache les Setantra, quoi. Le nom te revient, au final. Il y a un copyright, là. Ouais, j'ai toujours rien touché pour l'instant, mais bon... Vu que tu fais les téléchargements gratuitement sur PDF, bon, je pense que c'est pas tout de suite que ça me paye une voiture, mais. Clairement pas. Je crois pas que c'est parti pour ça, en tout cas. Alors, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette civilisation, cet entra? Donc, c'est une civilisation très ancienne qui a vécu sur Mars et qui a laissé derrière elle, quand elle s'est éteinte, ces fameux artefacts retrouvés par Hoffman, que sont les runes de Dieu. Et qui vont être à l'origine de la création de Cosmo et Rebirth et de la détermination que veut imposer Miphos et qu'impose Miphos dès le départ dans l'univers de Renaissance. Donc là, on est en 520 au calendrier standard d'Unios, c'est-à-dire que l'an 0, c'est la date où Unios est devenue impératrice, donc, c'est-à-dire 500 ans de passé. Et là, tu me parles de Miphos Kadria, c'est qui ça, Miphos Kadria? Alors, Miphos Kadria, on va dire que c'est le grand méchant de l'univers de Sens, un scientifique martien devenu on va dire l'empereur, même si il n'a pas ce titre-là, c'est le dauphin, mais il est tellement prépondérant que on peut considérer que c'est l'empereur de cet univers. Et donc lui a utilisé ces runes, a découvert que ces runes renfermaient des informations qui permettaient de décrire le monde à l'aide de faits, voilà. Ok, alors donc ces runes proviennent de la civilisation de Setantra. Mm-hmm. Et donc la civilisation Setantra au final. Et donc, à l'instar de la cellule, au départ du jeu, la civilisation Setantra, on n'en sait pas énormément. Ça va être une des quêtes des bugs. Je crois quand même qu'on sait qu'ils ont des sens différents des humains. Oui, mais dans la base, il n'y a pas énormément de choses. Tu n'as rien précisé dans la base. Tu as juste dit, il me semble... Je crois qu'ils ont juste... Qu'ils avaient juste, il semblerait, des sens un peu différents des nôtres et que c'était une ancienne civilisation, presque un mythe. Donc je crois que dans le guide d'initiation, il y a quand même des données, il y a des informations. On sait que les Setantra ont des sens différents qui leur permettent de rentrer en contact avec un espèce de dieu qui leur délivre les runes de dieu. Donc, enfin, en tout cas, c'est une civilisation extraterrestre, clairement. Elle n'est pas humaine, elle ne possède pas des sens. Elle aurait disparu sur Mars. Elle laisse l'héritage de ces runes à cet empire et à ce Miphos, justement, qui lui essaye de décrire les faits. Enfin, va décrypter les faits à l'intérieur des runes, mais il n'est pas seul pour décrypter les faits. Il y a un autre personnage. Ah, effectivement, un autre personnage central qui sera Soren Solipsis, okay. qui va mener toutes les actions de la résistance, qui était donc une scientifique tout comme Miphos, d'ailleurs qui était au départ proche. Ils étaient. Oui, ils sont carrément amis. Ennemis, ouais. Quoi. Enfin. Et qui, elle, va se dresser contre ce plan de création de ces ordinateurs Cosmo et Rebirth qui utilisent les informations des runes pour imposer la détermination que Miphos veut mettre en place. Donc elle, c'est le pendant opposé de Miphos dans cet univers. Parce que là, en fait, c'est en fait au moment où les runes sont découvertes, il va y avoir d'un côté Miphos qui va dire oui, les runes vont permettre aux humains de tout connaître, et de l'autre Solipsis qui va dire ouais, mais attention, est-ce que les humains sont prêts à tout connaître? Est-ce que il y a pas des zones d'ombre qu'il faut garder? Est-ce que etc. Flavie. Il est des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. La fameuse phrase. Bon, c'est par Solipsis, un bon ressort narratif pour éviter d'en dire plus à vos PJ, c'est parfait. Ça. Pour bien frustrer les gens. Pour bien frustrer les résistants qui, un peu fâchés, désireraient en savoir trop dès le début. Donc voilà, c'est ça. Donc il y a ce débat. Alors quelle est grosso modo la position de chaque personnage? Est-ce que vous pouvez la, est-ce qu'on peut la détailler un petit peu plus, peut-être? Non, Bobo. C'est-à-dire le personnage de Solipsis. Quels sont ses propos? Est-ce que vous avez un peu plus... Ben, ce que Solipsis veut surtout Thomas. Montrer, c'est que l'homme peut vivre que par ses propres expériences. La vie existe aussi bien par le savoir, mais surtout par les choses que l'on ne sait pas. Il faut toujours avoir une part de mystère pour pouvoir apprécier la vie. Alors que si on prend l'exemple de Miphos, c'est que Miphos, lui, veut tout connaître. Pour que l'homme puisse exister, il doit tout savoir. Et ne plus avoir cette part de mystère. C'est un peu le combat qui a lieu entre Miphos et Solipsis, la résistance et l'FDSS. Ok. Après ce débat, donc Solipsis va quitter la Fédération. Il va s'exiler. On va plus du tout en entendre parler pendant pas mal de temps. Et puis il va se passer un événement. Miphos va quand même proposer, après ce débat, un référendum. Pour savoir si oui ou non Cosmo et Rebirth doivent être créés, c'est-à-dire Cosmo et Rebirth, ce sont deux machines construites qui vont être construites peut-être sur Mars et qui auront pour but de décrypter les runes pour donner tous les faits du monde. Là, on va demander est-ce que les humains sont prêts à accueillir la science ultime, et le référendum va donner une deux planètes contre une. Ouais, la Terre dit non et les deux autres planètes qui sont Mars et la Lune disent oui. Voilà. Et du coup, là, c'est le début de la guerre. C'est le début de la merde, hein, on peut le dire. Alors, quoi qu'il en soit, donc, à partir de ce moment-là, effectivement, la Terre se rebelle. Est-ce que quelqu'un peut nous parler un petit peu des motivations de la Terre? Pourquoi refuse-t-elle? C'est dans mes souvenirs, la Terre, c'est un endroit où il y a pas mal de contrebandiers qui voient tout de suite que si on connaît tous les faits du monde, on saura qui fait de la contrebande et qui n'en fait pas. Et donc, leur, entre guillemets, business... sera détruit, donc ils entrent en guerre contre ça. À côté de ça, il y a tous ceux qui sont un petit peu plus, on va dire, moins hors la loi, qui ont des opinions, qui considèrent que la liberté est un des principes fondamentaux de l'être humain et qu'on ne peut pas vivre si on sait déjà tout ce qui va se passer dans sa vie, et puis qu'on ne peut pas, par exemple, être condamné pour un crime qu'on n'a pas encore commis. Donc à partir de là, la Terre entre en résistance contre les deux autres planètes. Et après ? Donne La Terre se fait écraser lamentablement dans mes souvenirs, ouais, en attendant désespérément un messie qui pourra venir l'aider, qui arrivera sous la forme d'une étoile filante, à savoir Finlongfinger. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, Thomas, c'est que dans cette guerre, la Terre a une forte faiblesse. La Terre est surtout le centre rural de la FDSS. Nous avons au niveau classification la Terre donc, qui produit la nourriture, ouais. Le pôle politique qui se trouve sur Mars, et enfin le pôle scientifique qui est plutôt la Lune. Ouais, c'est ça. Ce qui explique totalement pourquoi seule la Terre dit non à ce référendum, c'est qu'on parle de science ultime, la Lune ne peut que accepter. Ouais. Et Miphos étant quand même le dauphin de l'Empire, et si je me souviens bien à cette époque, il était même directement le régent. Ouais, est-ce qu'il est déjà intendant? Non, je crois pas. Il est juste scientifique. Il est juste scientifique sur le projet, voilà, des runes. Mais par contre, c'est clair que le fils adoptif d'Oberon. Oui, il est déjà le fils adoptif d'Oberon. Mais par contre, c'est clair que pour Mars, il y a une autre raison. C'est que Mars, c'est le centre militaire du pouvoir de la FDSS. Et donc, si ils ont accès aux faits, c'est un avantage stratégique et militaire capital pour eux. Voilà. Et donc, dans cette guerre, la Terre se fait écraser. Comme tu l'expliques, Mars étant le pôle militaire, qu'est-ce que peut faire de simples paysans? Même si je grossis ça un peu, il n'y a pas que des paysans sur la Terre. Mais ils ont une force de frappe très très faible. C'est pour ça qu'ils se font écraser. Mais c'est vrai que ce venu de Messie pour pouvoir les sauver, Bah, elle vient de la part de Philonfinger. Qui à cette époque, je crois d'ailleurs, ne portait peut-être pas encore ce nom. En fait, à l'origine, Philonfinger s'appelle Céline Gray Costa. Et il est le premier général en fait de l'Omicron. C'est un des admiraux, des généraux, je ne sais plus trop s'il est sur Terre ou dans les airs. Je crois qu'il est plutôt sur Terre. Et donc, il travaille pour Bran Oberon et il va trahir la cause de Bran au début pour des raisons un peu obscures et va atterrir sur la Terre. Et là, suite à un grand supplice d'élongation des doigts. C'est quoi ? L'élongation des doigts. Alors, c'est on te met ta main dans une magnifique machine. Dans lequel on relie tes doigts à des sortes de vérins, et au fur et à mesure, on les allonge. C'est une atroce souffrance. D'où ce nom de Phil Longfinger. Les doigts très longs. Il sera appelé comme ça, effectivement, par les résistants. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que Phil Longfinger arrive sur Terre, vous en souvenez ? Ben, la résistance s'organise et se met à gagner des combats. Et du coup, la guerre s'intensifie, et là, la Terre va finir par être... entre guillemets détruite à cause de la guerre. Hein. Bon, il faudrait juste quand même préciser que Phil Longfinger, c'est quand même pas n'importe quel bonhomme. C'est lui aussi, à l'instar de Solipsis et de Miphos Quadria, une incarnation de runes. C'est-à-dire que c'est un immortel et il va utiliser les pouvoirs et avantages que lui confère son immortalité pour gagner toutes ses batailles. Ça va être, Qu'est-ce que c'est que ces incarnations de runes dont tu parles pour nos auditeurs ? Je suis pas sûr que. Alors effectivement, c'est un point sur lequel on n'a pas insisté là au début de ce podcast. Au départ de Sens Renaissance, on apprend que à chaque rune qui a été découverte, donc rune l'objet, correspond une incarnation de rune, un quelqu'un qui va représenter cette rune et qui aura la faculté d'être immortel. Il me semble qu'ils ont des pouvoirs aussi spéciaux. Ah, effectivement. Ouais, bon, ça, c'est un petit peu après. On l'apprend un peu après. On mais bon. Grandement. Clairement. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est que grâce à ses pouvoirs, effectivement, et à son immortalité, Philonfinger parvient en 72 heures chrono à libérer tous les prisonniers qui sont retenus dans une ville qui s'appelle la Nouvelle-York. Donc, bon, on imagine assez facilement qu'il s'agit de New York sur Terre. Dans une ville qui s'appelle la Nouvelle-York, donc, où Miphos enferme tous les prisonniers politiques. Et donc, il réussit, en fait, en 72 heures, à l'aide probablement de ses pouvoirs d'incarnation personnelle, de la rune. D'une des runes, on ne sait pas encore laquelle, mais bon, voilà, et donc à libérer tous ces résistants et à fédérer progressivement, et à commencer à fédérer cette ville, il en fait son bastion, et puis progressivement il va progresser dans cette guerre. Et nous sommes toujours vers la fin du 6e siècle au calendrier standard d'Ignos. Et là on va faire un grand bond dans le temps, puisqu'il y a 500 ans de longue guerre. Est-ce que quelqu'un autour de cette table a... Vu que vous êtes maître de jeu, j'imagine que vous avez un peu travaillé tout ça. Thomas, est-ce que t'as... Sur ces 500 ans de guerre... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 500 ans ? Ouais. Ou à la fin de ces 500 ans ? Pendant ces 500 ans. Parce qu'en fait, on n'a aucune information dans la base. Aucune information sur ce qui s'est passé pendant ces 500 ans. Moi, ce que j'imagine, il y a surtout eu un regroupement de toute le mouvement résistance, la naissance de la résistance, vraiment. Tout ce qui est des pôles stratégiques, les différents complexes, des projets d'attaque de Mars. Parce que le but de la résistance à la base, c'était attaquer Mars pour reprendre le pouvoir. Et ouais, donc on imagine que Philonfinger, suite à sa torture, cette élongation là dont tu parlais, a probablement un désir certain de vengeance. Oui, certainement. Mais je pense aussi, comme tu l'as précisé tout à l'heure, Philonfinger était l'un des hommes de Bran Oberon. Il le considérait comme un... Enfin, il avait un profond respect pour lui. Et il a dû ressentir aussi une trahison de ce côté-là. Clairement. Alors bon, moi ce que j'en pensais de ces 500 ans de guerre, c'est qu'en fait ça va de victoire en échec, ça, on avance sur un front, on recule sur un autre, c'est vraiment une guerre. Il y a des phases de paix, évidemment, hein, c'est pas toujours la guerre, il y a des phases de paix, mais bon, globalement on s'enlise un petit peu sur Terre, et puis victime des frappes chirurgicales de Miphos, parce que fort de l'ombre monde, c'est-à-dire de Cosmo et de River... Oh, on n'a pas expliqué ça non plus, l'ombre monde, Benjamin. Alors, juste avant de rebondir sur l'ombre monde, je reviens sur ce créneau de 500 ans. Je pense que pour les futurs maîtres de jeu qui nous écoutent, ça sera une problématique à soumettre à leurs joueurs qui est, voilà, ça a duré 500 ans, On sait que Miphos, grâce à ses ordinateurs, est omnipotent. Pourquoi il n'a pas évincé la résistance plus facilement que ça? Pourquoi, au bout de 5 siècles, la résistance est toujours là, à résister à Miphos? Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'ombre monde quand même? Parce que dans les machines Cosmo et Rebirth, il y a un monde qui est en création. Oui. Donc, En fait, quand Miphos assemble les runes pour en tirer des informations, il se rend compte que ça génère donc ce qu'il va appeler un ombre monde, un monde virtuel qui apparemment est identique au monde réel, c'est-à-dire que les faits qui se produisent dans le monde réel, une personne qui porte une caisse, eh bien, il va y avoir la même action dans Cosmo et Rebirth, au même endroit, il va y avoir une personne dans cet ombre monde. Appelons ça une ombre, une ombre personne qui va porter une ombre caisse. Et donc c'est ça en fait sa puissance, c'est à tout moment il sait ce qui se passe partout. Ce qui lui a apporté son efficacité militaire, c'est il veut savoir où sont les bases résistantes, elles sont là, tac, j'attaque, il n'y en a plus, c'est réglé. Ouais. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Après tout, on nous précise bien que au niveau de l'ombre bande des ordinateurs, on sait qu'il sait, enfin, il sait ce qui se passe à un instant T, mais on ne sait pas s'il peut voir dans le passé ou voir dans le futur. Alors, on sait qu'il peut voir dans le passé. Par contre, effectivement, il n'arrive pas avec ses ordinateurs à voir ce que promet le futur. Ouais, on voit que les runes calculent le présent, je crois. Et en fait, par contre, ne peuvent pas calculer, ne peuvent pas anticiper sur le futur. Mais par contre, on a envie de parler d'instantanéité, quoi. C'est vraiment instantané. S'il y a une action qui se produit dans le monde, il y a une ombre action automatiquement qui se produit dans Cosmo et Rebirth. C'est dans l'ombre monde. Tout à fait. Ouais. Donc du coup, lui, ouais, il a omniscience sur l'ombre monde et donc par voie de conséquence sur le monde. Mais on verra que c'est important pour la suite de l'histoire, en fait, qu'il a omniscience sur l'ombre monde et par voie de conséquence sur le monde. Et on verra qu'il y aura des petits changements. Alors, bon, bah, on saute du coup de 500 ans. Donc là, on était en 572 avec Finonfinger qui commence progressivement à rassembler la résistance. Une guerre qui s'enlise, qui va durer 500 ans, enfin, en fait, 4 siècles pour être précis. Et puis, il va se passer quelque chose. Au bout d'un certain temps, quand même, la résistance recule et se retrouve enfermée dans son bastion à la Nouvelle-York. Et là, c'est le 3 janvier 1001, une date clé que tous les joueurs connaissent par cœur. Alors qu'est-ce qui se passe, Thomas? L'arrivée des Quadriens. C'est-à-dire? Voilà, une nouvelle arme créée par Miphos. En tout cas, je pense que c'est comme ça que les résistants ont dû remarquer des hommes composés de foudre, ouais, avec des pouvoirs prodigieux. Capable de faire tomber des météorites, détruire des bâtiments en un claquement de doigts. Ouais, donc là, clairement, là, de suite, on passe à surpasser. Mais il y a eu un message d'espoir qui arrivait en même temps que ces quadrillas. Un message de Solipsis. Ouais. Qui disait que. Donc là, voilà, on apprend aussi que Solipsis finalement s'est exilé, mais que finalement il est immortel. Donc là, oui. Ah oui, on commence à avoir des doutes. Philongfinger, ça fait 500 ans qu'il est dans le bastion de la Nouvelle-York. Ouais. Il est toujours là, prêt au combat. Miphos également. Mais Miphos, suite à l'histoire, on le savait déjà qu'il commençait à être immortel. Suite à un accident, on a découvert son immortalité. Bon, alors, il n'y a que quelques personnages qui le savent à ce moment-là. Mais il y a. Là, je parle. La Fédération ne le sait pas. La Fédération ne le sait pas. Là, je parle en tant que pour les lecteurs de sens. Ouais. Effectivement, c'est une chose qu'on apprend, que Miphos est immortel. Et là, on apprend en même temps que Solipsis est immortel suite à ce message qui annonce enfin les élus, car ils sont plusieurs, ouais, des enfants, tous nés le même jour, à cette date précise, à la Nouvelle-York, qui seraient l'espoir donc de la résistance. Ils sont tous nés le 14 décembre 996, et donc et particulièrement à la Nouvelle-York. Alors, donc, et on les appelle des bugs. Des bugs. Alors, Flavie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les bugs? Qu'est-ce que c'est qu'un bug? Vaste programme. déjà, le bug, c'est les personnages que les joueurs vont jouer. Voilà. Donc, à la base, les bugs vont voir toute leur famille détruite et vont tous être recueillis par la résistance. Et quand on va faire nos fiches de personnages en tant que joueur, on va devoir créer des histoires à ces bugs et ce sont les seuls qui échappent. C'est pour ça qu'on peut les jouer à la détermination de l'ombre monde. C'est-à-dire que s'il y a un bug dans le monde, il n'y a pas un ombre bug dans l'ombre monde, il n'y a pas d'ombre. Du coup, la réalité de l'ombre monde, grâce à ces bugs, va peu à peu se séparer de la réalité dans le monde réel. C'est-à-dire, en fait, alors pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'en fait, si un bug est né dans la réalité, il n'est pas né dans l'ombre monde. Oui, et à chaque fois qu'il aura un rapport avec un être humain, puisque ce rapport n'aura pas été prévu dans l'ombre monde, ouais. Ce rapport arrivera dans la réalité, ce sera une répercussion, puisque ce sera quelque chose que l'ordinateur n'aura pas pu prévoir. Donc c'est le jour où le Cosmo et Rebirth vont commencer à ne plus avoir les mêmes informations que celles qui sont présentes dans le monde réel des bugs. Donc là, Miphos perd clairement de son omniscience, quoi. Avec... Complètement. Il perd de son omniscience. C'est vraiment le nouvel espoir de la résistance, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir des êtres qui ne sont pas soumis à la détermination des ordinateurs. D'accord, ok. En contrepartie, il y a la puissance des Kadria, qui eux, à l'inverse des bugs, existent dans le monde des ombres, mais n'existent pas dans le monde réel. Donc c'est un peu dépendant, j'ai envie de dire, démoniaque, des némésis en fait, des bugs. Est-ce qu'il existe un Kadria par bug ou pas, selon toi? Selon moi... Ah, c'est un peu difficile. Moi, dans l'univers tel que je le vois, non. Ouais. Ok. Voilà. Il y a des bugs, il y a des quadrillas. Est-ce qu'on pourrait dire que l'existence d'un bug entraîne l'existence d'un quadrilla? Il y a un quadrilla qui apparaît dans une histoire qui, en tout cas, lui, le croit. Qui est D'accord. le fameux graveur. Le graveur. Qui en veut à l'humanité. Enfin, qui en veut à la résistance et au bug de lui avoir volé son humanité. Ok, d'accord. Pour moi, en revanche, dans la mesure où un bug correspond au nombre de joueurs du coup qu'il y aura dans la réalité, ouais. on ne peut pas dire qu'il y a autant de Kadria que de joueurs qu'il y a dans la réalité, puisque dans ce cas-là, ça supposerait qu'on puisse compter le nombre de joueurs qu'il y a dans la réalité pour pouvoir en déduire le nombre de Kadria, et ça ferait au final des histoires absolument impossibles à jouer. Voilà. Le souci, surtout, il faut savoir que les Kadria... quand ils sont nés dans le monde des ombres, tel un humain classique, ils sont directement composés de foudre. Et ils ont une croissance très rapide. Ils deviennent adultes en quelques semaines. C'est ça le truc, c'est qu'on est le 3 janvier 2001 quand New York se fait défoncer la tronche. Et eux, ils sont là et ils sont bien présents. Ils n'ont pas 5 ans, quoi. Ils n'ont pas 5 ans d'âge physique. Alors que les bugs, eux, dans la réalité, sont encore des enfants qui vont perdre leur famille. Dans des conditions d'ailleurs que tu n'as pas précisées. Toutes les familles vont être détruites par la guerre en fait. Surtout par un quadrilla. Je savais pas, ça c'est quand même un gros spoiler. Tu nous as demandé de pas en faire. D'accord. C'est non, mais bon, voilà quoi. Dans ces cas-là, il y a un quadrilla qui a défoncé toutes les familles des bugs. Non, c'est pas un quadrilla qui a défoncé toutes les familles. C'est les quadrilla. Dans le souvenir des joueurs, c'est il y a des quadrilla qui ont défoncé. Et donc pour revenir à ce que j'expliquais, les quadrilla au départ sont, d'un assez grand nombre, mais ils ont été persécutés aussi par les ombres hommes. Car après tout, une ombre femme qui naît qui accouche d'un quadrilla, ça fait très peur. Et moi, dans mon idée, je pense que des ombres hommes ont dû commencer à les pourchasser, à les détruire. Effectivement. Il me semble que c'est précisé dans Sens Renaissance. Voilà. C'est précisé ombre monde. Dans supplément. Ombre Monde, supplément ouais, Ombre supplément. Monde, qui est une. Dans les scénars de la base, on développe pas trop le monde des ombres, mais ce supplément apporte une bonne explication de ce monde et un peu qu'est-ce que sont les quadrilles. Ouais, il était assez indispensable en fait. Hein. Clairement. Effectivement. Bon, il y a aussi, si je me souviens bien, une demande des joueurs pour faire ce supplément. Ah oui, non, ce supplément, il a clairement été demandé par les gens qui fréquentaient le forum et qui ont dit, là, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir faire la chronique. Il nous manque toute l'histoire des quadrilla, donc il faut les développer. Donc voilà quoi, en réponse. C'est un très très bon supplément. Moi, il faut savoir qu'à la base, j'étais un joueur quadrilla. Qui, à un moment, est devenu quadrilla. Et c'est vrai que... j'ai jamais eu suffisamment d'explications dans le monde des ombres. C'est la façon dont je l'ai ressenti, enfin, où je me suis imaginé le monde des ombres, je me suis fait tout seul. Hein. D'accord. Voilà. Et avec ce supplément, on m'a apporté beaucoup, beaucoup de réponses. Alors, donc, nous sommes le 3 janvier 2001, New York est écrasé, les bugs perdent leur famille suite à une attaque de quadrilla. Ils se souviennent des quadrilla qui les terrassent, qui terrassent leur famille. Et là, le conseil donc, est réuni par Finlongfinger. Finn Longfinger dit « Attention, il y a des enfants qu'il faut sauver à tout prix, tous nés le même jour, le 14 décembre 1996. » Et le conseil, en fait, va, suite aux ordres de Finlongfinger, s'enfuir vers une destination qui est le pôle sud. Et pendant ce temps-là, Finlongfinger reste à la Nouvelle-York et pour défendre le convoi qui s'en va. Et là, cette fois-ci, il est. Il meurt. Thomas. Ah, il meurt, il tombe sous la masse des quadrillas et. Héroïque, Finlongfinger. Voilà. Voilà, il se fait tuer d'ailleurs, si je me souviens bien, par l'un des chefs militaires de la FDSS, de l'Omicron. Alors il se fait tuer par. Par un quadrilla très connu. Kranisten. Ah, c'est un quadrilla. Oui, c'est pas un quadrilla, c'est le Kranisten qui. C'est Ils se battent non-stop pendant 3 jours. Et Kranisten, c'est un quadrilla. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, non, ils se battent non-stop pendant 3 jours, c'est 3 jours épiques de bataille. Et à un moment, il semblerait que Finlongfinger voit son attention attirée par autre chose. Il regarde le ciel, comme s'il avait entendu une voix. Et la Kranisten le tue. Voilà, c'est tel que c'est décrit dans la base. Effectivement, c'est comme ça. Donc ensuite, comme quoi, on a beau être immortel, et on se fait quand même buter comme une vieille merde. Alors ouais, c'est ça qu'il faut préciser aussi, c'est que les runes sont immortelles. C'est-à-dire qu'elles ont une longévité infinie. Elles ne connaissent pas la maladie a priori, mais par contre elles sont mortelles par des attaques physiques quoi. En fait, elles peuvent être elles sont pas indestructibles. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc bah alors le convoi s'en va vers le pôle sud. Et qu'est-ce qui va se passer une fois dans le pôle sud, Benjamin? Bah là, on fait découvrir à la résistance qu'une une grande base de repli avait été préparée. On va dire en cas d'échec, hein, prêt à les accueillir. Donc ils découvrent des bâtiments, une nouvelle base de repli. Et c'est là qu'on leur dit, voilà, on a avec nous des enfants bien particuliers, des enfants qui n'ont pas leur pendant dans le monde des ombres. Ces enfants, va falloir les protéger, également les entraîner pour devenir l'instrument de la défaite de l'Omiphos. Et de l'Omiphos. Et c'est là que vous, joueurs, vous rentrez en jeu. C'est ça. À peu de choses près, une quinzaine d'années après, ces bugs sont tout juste adultes, une vingtaine d'années, et c'est là que vont commencer les futurs joueurs dans cet univers de la résistance cloîtrée dans une base au pôle sud. Avec pour objectif la vengeance contre Miphos et la victoire sur l'Omicron. Au pôle sud aussi, quand même, quelque chose à noter, réapparition du personnage de Solipsis. Donc avant, elle n'apparaît qu'en message, comme l'a dit Thomas. Mais là, cette fois-ci, le personnage réapparaît au pôle sud. Pour quelle raison, Thomas, tu te souviens? Surtout pour accueillir les bugs, expliquer un peu ce qu'ils font là et ce qu'on attend d'eux. Car même s'ils sont des enfants dès le départ, on les considère comme des adultes. Oui. Mais les résistants, en fait, ne savent pas en plus l'existence du bug. Parce que pas du tout. Dans l'histoire, c'est bien précisé que Gladius, il se demande pourquoi, alors qu'ils partent en sous-marin, là, comme des clochards vers le pôle sud, ils sont en train de se dire, mais comment ça se fait qu'on se fasse pas poursuivre par l'Omicron? On devrait déjà être défoncé, quoi. Des sous-marins, c'est hyper. Le pouvoir des ordinateurs, on savait exactement où ils étaient. Oui, et logiquement. Logiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Ils transportent les enfants, il n'y a pas cette répercussion dans le monde des ombres, on ne sait pas où ils sont. Le coup de génie de Solipsis, c'est de dire je déclencherai mon action lorsque je saurai que ces enfants sont là, et de cette manière là l'action dans l'ombre monde n'aura pas lieu, puisque s'il n'avait pas existé, je ne l'aurais pas fait. Donc dans l'ombre monde, en fait, l'action de la fuite vers le pôle sud n'existe pas, alors que dans la réalité, l'action vers le pôle sud existe, et du coup Miphos se retrouve a priori berné. D'ailleurs, ça pose de nombreuses questions, je pense. Ouais. Puisqu'à partir du moment où on considère que dès qu'on pense au bug, les faits qui vont en découler ne seront pas pris en compte par l'ordinateur, à partir de quand peut-on considérer que les faits de l'ombre monde se sont séparés du monde? Puisque est-ce que c'est dès la naissance? Est-ce que Solipsis savait qu'il serait né avant? Ou partir de quand l'ombre monde s'est séparé du monde? Est-ce que seulement Solipsis avait programmé ça, ou est-ce qu'elle savait que les bugs allait naître? Et si le simple fait de savoir pouvait entraîner des répercussions? Ah là, exactement. Ouais. Alors là, on rentre vraiment. Foultitude de problématiques à soumettre à vos futurs joueurs. Voilà, exactement. Et donc justement, cette dernière partie du podcast, je voulais la consacrer à l'aspect un petit peu, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a pour but de faire en sorte que les joueurs se posent des questions de métaphysique et de philosophie, un petit peu de physique aussi et de plein d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, donc ça, c'est juste, là, on a présenté les forces politiques en présence, un petit peu l'histoire, comment tout ça s'est mis en place. Mais là maintenant, voilà, on va parler un petit peu de l'aspect philosophique du truc, c'est-à-dire que tout est fait pour faire en sorte que le joueur soit amené à se poser des questions sur ombre-monde, réalité, etc., etc. Alors par exemple à ce niveau-là, par rapport au discours de Miphos et de Solipsis, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que lorsque Miphos présente les ordinateurs sur la place publique, il dit aussi, bah écoutez, puisque les runes calculent le monde, à l'heure actuelle et le présent du monde, eh bien elles calculent son destin et rien ne pouvait avoir lieu autrement que ce qui s'est passé maintenant. Donc c'est un partisan d'une théorie qu'on appelle le déterminisme. Et en opposition, Solipsis prétend le contraire. Et elle le prouve. Et comment elle le prouve ? Pourquoi ? Elle le prouve. Là, si on suit l'idée de Miphos que les ordinateurs devaient exister, et qu'effectivement ils existent, c'est qu'ils pensaient aussi gagner la guerre. Ou alors, est-ce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner cette guerre ? Cette bataille de la Nouvelle-York, est-ce qu'il aurait sacrifié ses hommes ? Étrange, n'est-ce pas ? Effectivement, une question de plus. Donc voilà, donc c'est vrai que toutes ces problématiques autour des deux mondes vont amener les joueurs à se poser deux trois questions un peu compliquées, un peu difficiles. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les pose pas forcément en arrêtant de jouer. C'est on se pose ces questions, on les intègre aux dynamiques de nos personnages. Ouais, carrément. Donc on va se balader dans un énorme complexe un peu flippant et en même temps, ce complexe va amener plein de questions sur la place du bug et sur la dynamique du monde. Ouais, il y a beaucoup de questions qui se posent en jeu, carrément. Mais bon, après, genre, quand même, si on regarde un petit peu les retours que j'ai eu des tables, il y a beaucoup de gens qui disent quand même que les meilleures conversations qu'on a sur l'univers de sens, elles sont en dehors des parties. Quoi. Est-ce que le jeu s'arrête quand on est en dehors de la partie ? Ça fait partie d'une des questions du jeu. Ça fait partie d'une des questions du jeu. Donc ben voilà pour un premier. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Je sais pas. Le seul ajout, c'est pour les auditeurs. Là où vous avez entendu Cat Gugus qui vous balance l'histoire d'un background d'un jeu. Donc s'il y a des choses qui vous paraissent confuses ou quoi que ce soit, ouais, la chronologie complète de toute l'introduction au jeu est disponible dans le PDF Sens Renaissance. Ouais. Donc à lire à tête reposée pour à la fin du PDF. Ouais, pour se refaire toute l'histoire. Ouais, tranquillement. Parce que ouais, c'est... voilà. Ouais. Et puis on a pas parlé de tout d'ailleurs. Je viens de penser à ça, on a oublié de parler des fameuses réplioïdes. Qui sont de la philonite surtout. Ouais, de la philonite, ouais. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire, Thomas, avant de clore ce podcast? Donc avant de clore ce podcast, ce que je pourrais dire sur la philonite. La philonite est un matériau qui ne réagit qu'à la présence des bugs. Ouais. D'ailleurs, ce qui a permis de retrouver ses enfants. C'est-à-dire, je comprends pas. Eh ben, les enfants, comment dire, Solipsis a dit effectivement que ses enfants étaient nés tous le même jour dans certaines villes, mais il fallait bien peut-être un moyen pour savoir si l'enfant en question était un bug ou pas. Exact. Et la philonite ne réagit qu'à la présence des bugs. Alors qu'est-ce que tu entends par réagir ? Alors la philonite, c'est un métal qui a une propriété d'apparaître, en fait, ouais. de se matérialiser quand la présence de bugs. Donc dans l'histoire, certains membres de la résistance, quand ils sont partis rechercher ces fameux enfants bugs, ouais. On leur a confié une boîte. Dans cette boîte, il n'y avait rien du tout. On leur a dit que le jour où ils trouveraient un bug, quelque chose apparaîtrait. D'accord. Et une fois qu'ils sont tombés en face aux présences d'un de ces enfants bug, effectivement, une rose de métal est apparue à l'intérieur de cette boîte. Pourquoi une rose de métal ? On ne sait pas encore. Bah, c'est une rose de métal. Ah, hein. Une rose de métal, pourquoi pas ? Pourquoi pas une rose ? Les enfants naissent dans les roses. Après tout, c'est pas si étonnant, vu qui c'est qui leur a confié ces boîtes. Ouais, ouais, ouais. L'esthétisme du jeu. Ouais, on va dire ça comme ça. On en apprendra plus après. Et donc, que va devenir ce métal liquide après, une fois qu'ils arrivent au pôle sud ? Une fois qu'ils ont récupéré ce métal liquide et que les bugs et vos futurs joueurs vont enfin commencer leur premier scénario, on va leur confier une armure, un réplioïde composé de ce métal qui leur permette d'avoir une protection en cas de combat. Et il faut savoir aussi que les bugs ont une particularité. C'est qu'ils peuvent aussi bien exister dans le monde réel que dans le monde des ombres. C'est-à-dire ? Ils ont pouvoir, par leur propre conscience, leur propre volonté, de passer dans le monde des ordinateurs. ils peuvent passer d'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre. Voilà, à l'instar des Kadria qui appartiennent au monde des ordinateurs, eux peuvent se matérialiser dans le monde réel, les bugs vont pouvoir faire la même chose, uniquement en revêtant leur armure reptiloïde. Oui, sinon il y a choc ontologique pour citer le livre. Voilà, donc bon là ça va faire alors beaucoup là, de oh là, sujets pour un premier podcast. On sait à peu près de quoi on va parler du choc ontologique plus tard. Mais donc voilà, ce métal liquide qui forge leurs armures vont leur permettre de pénétrer dans le monde des ombres pour y mener également leur combat. D'accord, ok, ouais. Donc ils vont pouvoir passer d'un monde à l'autre. En gros, c'est ça. Voilà, ils se téléportent dans un monde, ils se téléportent dans un autre, ils passent d'un monde à l'autre. Ce qui va leur permettre de réussir leur mission plus facilement. Ouais, ouais, de résister à la puissance des quadrillas, parce que bon, il faut toujours savoir que c'est toujours difficile. À partir de partir de l'existence des bugs, ce qui existe dans, on va dire, le monde réel, n'existe pas forcément dans le monde des ombres. Donc le gros mur qui t'empêche de passer dans l'endroit où tu dois aller, peut-être qu'il n'existe pas dans l'ombre-monde. Ah, voilà. Et peut-être qu'il ne faut pas trop rester dans l'ombre-monde si tu ne veux pas te faire déchirer par un quadrilla. D'accord. Ok, ouais, donc ça permet par exemple, ouais, on arrive dans une pièce, si le bâtiment a été détruit dans l'ombre-monde, puisque le bâtiment n'est plus là, on peut se diriger dans une salle, réapparaître dans la salle, dans la réalité. D'accord. Tout à fait. Alors, Bobo, il y a un truc, parce qu'on parlait des problématiques philosophiques, on va terminer là-dessus, je pense. Toi, en tant que joueur, tu t'es vachement intéressé en fait à la Philonite et tu y as trouvé des problématiques aussi. Qu'est-ce qui t'a... Alors, quelles sont les problématiques que tu as trouvées en rapport avec cette matière, en rapport avec les répliolites? Pourquoi est-ce que tu as cherché en tant que joueur à creuser ce truc-là? Ouais, bah là tu m'en poses une. Ouais, ouais. Cache, moi j'ai envie de dire bam quoi. À fond dans le verre. Pourquoi je me suis intéressé à ça? Bah, au départ, tout simplement parce que le personnage que j'avais choisi était un scientifique. Donc forcément, tout ce qui touche un petit peu à de la technologie ou quoi que ce soit, dès qu'il y a des mystères à lever, il va s'y intéresser. Donc forcément, j'ai axé mon personnage à essayer de trouver des réponses aux mystères que soulève ce métal. Ouais. Ça a été aussi l'occasion de se poser des questions sur voilà, je dois affronter un univers qui est complètement déterminé, il faut que j'essaye de savoir comment fonctionnent ces règles, ouais. Et utiliser ces éléments qui transgressent ces règles pour arriver à mon but. Je suis un bug, je peux transgresser des règles parce que je suis pas déterminé dans Cosmo et Rebirth. J'ai un métal qui a des propriétés également qui permettent de transgresser des règles. Ouais. Donc voilà, faut que j'utilise ces points absolument pour en tirer un avantage. Ok, ok. À notre table aussi, on avait fait ça, même avec des règles différentes, où on avait utilisé la philonite pour créer. Oui, oui. Bah, c'est ton personnage d'ailleurs. Ouais. Bah, en fait, t'étais le pendant. Oui, sur la table, on était voilà, les gentils. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toi, à la table de Rennes, t'étais plutôt le médecin. Alors que Bobo, lui, avait plutôt vraiment science dure, mais globalement, au niveau de la philonite, l'un et l'autre, vous aviez des rapports, quoi. Vous poursuiviez la même quête. Ok, bon, bah voilà, pour ce premier podcast un peu laborieux, on s'excuse, c'est pas facile en fait comme exercice. On pensait que ça viendrait spontanément, c'est pas évident. J'espère que vous avez à peu près compris les enjeux de cet univers. Et puis bon, bah, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast qui sera probablement consacré au système. Donc on espère un podcast un peu moins linéaire où on pourra peut-être un peu plus se lâcher parce que l'univers c'était dur, il fallait quand même essayer de suivre la chronologie. Allez, on va se dire à la prochaine. Ce sera mieux la prochaine fois, on va se dire ça comme ça. On apprendra à tenir des micros et ça ira beaucoup mieux. Donc, allez, lisez le PDF. Ouais, lisez le PDF pour la chronologie. Ça sera peut-être plus clair qu'un podcast de vieux foufou qui essaye de raconter un univers un peu de manière décousue. Allez, à très bientôt. Jouez bien. À plus. Salut. Au revoir. Au revoir.